Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Sortir les lesbiennes du placard, une série de Clémence Alzard réalisée par Somani Na. Au départ de cette série, il y a une documentariste qui creuse son sillon et cherche une histoire, des récits qu'on n'entend jamais et l'envie d'ouvrir la deuxième porte du placard en attendant la troisième. Alors pourquoi ne pas questionner la place des lesbiennes dans l'histoire du mouvement de libération des femmes ? Alors pour commencer, les personnages. Une sociologue qui cherchait à faire groupe, une écrivaine poète, une écrivaine amoureuse, une poète fondatrice et mécontente, une éditrice passeuse, une archiviste qui décode et une lesbienne qui invente. Ensuite le décor, un cimetière, l'arc de triomphe, la femme du soldat inconnu, l'oppression, des réunions, des âgés, le MLF, le phare, les gouines rouges et la fin des années 70. Aujourd'hui, deuxième épisode, on arrive au cimetière. Jardin du souvenir, 89, jardin du souvenir. Un après-midi d'été au cimetière du Père Lachaise. Faut qu'on aille côté Gambetta, a priori. J'ai pas envie de voir sa tombe. Elle est pas morte. Évidemment, elle n'est pas dans les personnalités, tu sais, où qu'on peut repérer sur le tableau. J'ai cherché AW, j'étais, ah ben non, ils n'ont pas mis Wittig, évidemment. Il faut chercher, c'est ça l'histoire des lesbiennes, nous est donnée. L'histoire manquante. Il faut chercher. Sortir les lesbiennes du placard. Creuser. On ne naît pas femme. Un documentaire de Clémence Alzard et Somani Na. Essayez de trouver quelque chose malgré les silences. Quoi peut ressembler la tombe de Wittig? Oh, c'est là. Elle est trop belle. Monique Wittig, écrivain 1935-2003. Ouais, Monique Wittig, écrit avec son écriture. Je reconnais la signature. Monique Wittig. Monique Wittig. Écrivain. Écrivain, lesbienne, féministe, courant matérialiste. Théoricienne majeure du lesbianisme comme point de vue sur le monde, comme position révolutionnaire. Monique, elle a eu un rôle important pour moi au début du mouvement parce qu'elle était poète. Moi, j'adorais l'écouter parler. C'était pas la langue marxiste, vous voyez, dont on avait plein les oreilles. Elle, quand Monique parlait, c'était toujours beau. Enfin, moi j'aimais l'écouter. Et parce que c'était pas les mots stéréotypés. Elle avait toujours ses propres phrases à elle. Enfin, c'était toujours des images. Et bon, bref, on avait beaucoup parlé ensemble et déjà. Elle me disait que ses livres n'étaient pas étudiés à l'université et elle avait raison. C'était une source de tristesse pour elle. Hein. C'était pas normal qu'on n'étudie pas ses livres à l'université. Et donc, c'est à partir des discussions avec elle que j'ai décidé de faire ma thèse sur les relations amoureuses entre les femmes. Marie-Jo Bonnet, vous êtes historienne, mais vous avez milité notamment dans différents groupes du mouvement de libération des femmes. Est-ce que je peux commencer par une question un petit peu qui va peut-être vous surprendre, mais est-ce qu'il y avait beaucoup de lesbiennes dans les groupes de femmes? Énormément. Dans les années 70? Ah oui. Moi, je peux dire que les lesbiennes ont été le fer de lance du MLF. Hein. Si je dis ça, les hétéros, elles vont m'engueuler parce que, en réalité, elles étaient aussi révoltées que nous. Donc, ça, pour moi, ça a été génial de rencontrer des hétéros qui éprouvaient et pensaient les mêmes choses que moi. Et donc, mais il y avait beaucoup de lesbiennes. Donc, si vous voulez, il est évident que les lesbiennes, vraiment, ça a été l'humus du MLF. Sans passer les femmes, nous qui n'avons pas Comme prévu, des milliers de femmes ont bruyamment manifesté hier dans plusieurs grandes villes des États-Unis. Ces manifestations, qui ne doivent s'achever que ce soir, sont organisées par le mouvement de libéralisation de la femme. Des banderoles proclamaient « Sœurs, unissons-nous pour mener notre combat » ou demandaient « À travail égal, salaire égal ». En bref, les femmes demandaient leur émancipation politique, économique et sociale. On a vu pourtant des contre-manifestantes et surtout quantité d'hommes goguenards dont certains arboraient des pancartes « Les femmes dans l'armée » ou encore « Congé de maternité pour les hommes ». Quant au sénateur démocrate Randolph, il a violemment pris à partie les ligues féministes, qualifiées, selon lui, de petites bandes décervelées sans soutien-gorge. Plus inattendu, la petite manifestation organisée à Paris par le mouvement de libération de la femme française. 26 août 1970. Elles sont une petite dizaine à aller rendre hommage à plus inconnu encore que le soldat inconnu, sa femme. À l'Arc de Triomphe, un groupe de femmes, dont l'écrivain Christiane Rochefort, auteur du Repos du guerrier, Monique Wittig, Christine Delphi, Anne Zelensky, Margaret Stephenson, Cathy Bernheim. On a voulu déposer une gerbe de fleurs en hommage à la femme du soldat inconnu. Nous voulons, disaient les militantes, nous solidariser avec les plus inconnus, les plus obscurs, les plus humiliés des femmes. Ce moment fondateur du mouvement de libération des femmes est gravé dans les mémoires, au moins féministes. Je l'ai d'abord regardé ainsi, avec mes yeux de féministe. J'y ai vu le génie militant de ces femmes. La culture du happening, dont les luttes des minorités sexuelles auront le secret. Cette occupation de l'espace public, drôle et politique, pour dénoncer l'invisibilisation historique des femmes. La police a dispersé les manifestations et emmené plusieurs militantes au poste pour vérification d'identité. J'ai vu des femmes, des féministes, et j'ai trouvé cette action formidable. Plus tard, je l'ai regardée, mais cette fois avec mes yeux de lesbienne, et cela m'a percutée. Elles sont nombreuses cet après-midi-là. Alors, ce que je peux vous dire, comment le groupe, le premier groupe de lesbiennes s'est formé? Eh bien, moi, déjà, il y avait des réunions qui se passaient chez Antoinette Fouque. Christine Delphi, sociologue. Qui dirigeait un groupe qui s'est ensuite appelé Psychépo. Nous, on en avait marre de discuter avec des femmes qui défendaient qu'il n'y avait pas de possibilité de formation d'un intérêt spécifique aux femmes et d'être toujours en dispute soit avec Psychépo et son gourou, soit avec des femmes d'extrême gauche. Donc on a décidé de faire un groupe à part qu'on a appelé les féministes révolutionnaires. Et que d'autres ont appelé les petites marguerites. Et quand vous dites nous, c'est quelle militante, par exemple, pour qu'on situe un petit peu? Alors, il y avait Anne Zelensky, qui était là, du groupe FMA, donc ce groupe qu'on avait animé pendant 2 ans sans arriver à augmenter notre nombre, ni à faire passer une, ne serait-ce qu'une ligne dans un journal. Il y avait Monique Wittig, il y avait Cathy Bernheim, il y avait Liliane Candel, il y avait un assez grand nombre de femmes. On avait même loué un local, c'était Trévise. Et alors un jour, on a entendu dire, je ne me rappelle plus qui, parce qu'il n'y avait pas de fermeture absolue des groupes à ce moment-là, que chez Antoinette Fouque, il y avait une femme qui avait demandé aux lesbiennes qui étaient dans la pièce pour une raison quelconque, qu'elle leur explique ce que c'était que le plaisir des lesbiennes. Enfin, voilà, elle voulait savoir, je ne sais pas, comment ça se passait, ou, etc. Et comme si, voilà, il y avait quelque chose de spécifique dans le plaisir sexuel des lesbiennes et que ça suffisait à les définir. Alors, une fois, moi, j'étais furieuse de ça et je l'ai dit à mon groupe qui était d'accord avec ça, que les lesbiennes n'avaient pas une spécificité dans leur plaisir, qu'elles étaient des gens opprimés, que c'était ça leur spécificité. Longtemps, je n'ai pas mis de mots sur mon malaise dans la féminité. Je savais simplement que m'y conformer me demandait de déployer des montagnes d'énergie pour des résultats toujours très insatisfaisants. Il en allait de même pour mes relations avec les hommes. Tout ça n'avait rien de naturel, bien au contraire. Je vivais dans mon corps d'intenses mouvements contradictoires, de résistance et d'abdication face à la norme. J'avais des petites copines clandestines et des couples socialement acceptés aux yeux du monde hétérosexuel. Et puis des écrits ont tout bouleversé. Quand je lis l'Opoponax de Monique Wittig, je suis ado et je ne comprends pas trop. Je sais pourtant qu'il y a là quelque chose qui change tout, ou qui va tout changer. Alors, moi, j'ai pas revendiqué un lesbianisme. Je continue à dire que c'est une étiquette qu'on m'a filée dessus quand j'avais 13 ans. Bon, ouais, pas pour dire, je savais même pas que les femmes faisaient des choses ensemble à 13 ans. Cathy Bernheim, écrivaine. Eh ben, à 13 ans, me voilà-t-il pas identifiée lesbienne. Qu'est-ce que j'étais quoi, amoureuse de ma petite copine. Et là, ma copine Danielle Cotreau, qui a donc travaillé pour Fréquence Gay, qui a fait cette émission qui s'appelait Amazon du soir, bonsoir, elle dit, mais moi, je me suis pas forcée. Voilà, on s'est pas forcée. On l'a pas été par choix politique, on l'a pas été... Alors la question du choix, après, se pose à partir du moment, est-ce qu'on choisit pas, bon. Mais nous, on a fait le pas. Donc on a fait le pas de se dire, je suis amoureuse, ça se fait pas d'aimer ce type de personne, mais je veux quand même. C'est ça notre force en tant que lesbienne dans le mouvement des femmes. Hein ? C'est le seul point sur lequel on doit s'appuyer. Nous avons eu la force de nous mettre à part, d'accepter d'être des parias dans une société où on l'était beaucoup plus que maintenant. Catherine Legrand regarde Valérie Borges qui ne la regarde pas. Je suis l'Opoponax. Je suis quelque chose d'innommable ou d'innommé. Quelque chose qui est là, mais dont on ne parle pas. Comme si le mot n'avait jamais été prononcé et que le dire à voix haute provoquerait un séisme de magnitude 9. J'ai débarqué le jour où il y avait la conférence du professeur Lejeune contre l'avortement. C'était en février 71, ça j'oublierai jamais. La conférence avait lieu à l'Institut catholique. Et moi, j'avais été éduquée chez les religieuses. Alors, ça a été une confrontation avec mon passé, en fait, hein, et vraiment le changement, enfin le choix. J'ai choisi de suivre les femmes. Au début, la première fois que j'ai lu Le Torchon Brûle, j'ai senti entre les lignes qu'elles aimaient les femmes. Vous voyez, toutes ces femmes qui se révoltaient, tout ça. Moi, j'appelle ça aimer les femmes. Et donc, je suis venue tout de suite. J'étais très jeune, hein, j'avais 21 ans. Pour moi, ça a été, surtout cette période du printemps 71, ça a été extraordinaire parce que je suis arrivée dans un groupe, en fait, j'ai choisi un groupe qui habitait à côté de là où j'habitais chez mes parents, j'habitais à Villejuif. Et alors, je débarque dans le repère des lesbiennes. Parce que là, il y avait Anne-Marie Grélois qui était là avec sa compagne Maryse. Et Anne-Marie, elle m'a tout de suite repérée. Et elle disait, avec son humour, elle disait que j'étais une jeune débutante à peine sortie de son couvent. Et elle avait tout à fait raison. Et elle m'a vite dégrossi. Hein. C'est elle qui a lancé le phare, le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Je n'avais jamais réfléchi à l'homosexualité, jamais. Moi, je l'ai suivi naturellement. Ça m'intéressait, évidemment. J'étais comme aimantée. Vous savez, c'est quelque chose qui passe pas forcément par le cerveau, hein. Ça passe par les aimants, enfin le cœur. Je sentais qu'il fallait que j'y aille, hein. J'aurais jamais pu expliquer pourquoi. Pour les femmes et les lesbiennes, je n'avais jamais rien fait. Je n'étais même pas, je ne savais pas ce que j'étais ou qui j'étais. Je n'étais pas une des grandes, très connues militantes. J'étais un peu de passage. Anna Simo, poétesse, cofondatrice des Lesbian Avengers. Alors, je ne veux pas exagérer ma participation, mais je pense que j'ai participé à un moment charnière, un moment très important, le moment où les lesbiennes à l'intérieur du MLF et celles qui étaient à l'intérieur du phare étaient mécontentes, disons que c'est ma spécialité. Et là, c'est la première fois que j'ai milité dans un truc de femmes ou de lesbiennes de ma vie. Et là, c'était les grandes réunions avec énormément les âgés, de femmes. Le mercredi, oui. Et après, j'ai commencé à aller aux réunions de phare aussi, quelques mois après. 1971, le phare, Front homosexuel d'action révolutionnaire, né de l'union de militantes féministes et d'activistes gays. l'homosexualité est politique. Et là, il avait très peu de femmes. Elles étaient tous assises derrière. Et ce n'était que les hommes qui parlaient, des tribuns, avec des discours, tout cela. C'est vraiment très ennuyeux pour moi. Mais j'ai vu le clivage qu'il y avait. Il y avait des femmes là qui ne parlaient pas, très peu, en public, entre elles. Elles parlaient. Et il y avait énormément de femmes au MLF. Énormément de lesbiennes qui ne disaient pas qu'elles étaient lesbiennes, ou bien de femmes qui couchaient avec des femmes. Parce qu'à l'époque, souvent, c'est ça qui était le plus... Les femmes hétéros étaient très curieuses. Et elle expérimentait. Alors, il avait énormément de sexe entre femmes, mais elle n'avait pas une identité lesbienne. Il faut attendre près d'une décennie et d'autres écrits pour que je prononce la phrase fatidique. Je suis lesbienne. Je ne sais même plus comment je l'ai prononcée. Enfin, imaginez que l'homosexualité devienne un modèle social. Eh bien, je ne sais pas, nous serions très vite porte-produits. C'est Minnie Grégoire, elle avait fait une émission publique sur l'homosexualité, ce douloureux problème. Les lois de la vie dans l'homosexualité, je pense tout de même qu'on peut répondre ça sans blesser personne, il me semble. À vous la salle. Alors les filles, elles s'en sont données à cœur, je crois. Il y avait Christine Delphi, d'ailleurs. Horrible, comme s'il fallait la justifier, comme si l'hétérosexualité était quelque chose de naturel. Alors, on sait maintenant parfaitement que tout individu est bisexuel. Et Delphi, elle a pris la parole, si vous écoutez, vous connaissez sa voix. Détermination sexuelle, oui, autre que sociale. L'individu, permettez une seconde. Qui expliquait sur l'hétérosexualité qu'il faut aller remettre en cause l'hétérosexualité. Mais ça, elle était géniale, Christine. Je veux dire, elle, avec son esprit paradoxal, elle l'a complètement décontenancé, Minnie Grégoire. Hein. Et puis après, au fur et à mesure de l'émission, il disait « On ne souffre pas, liberté, liberté !» Et puis tout le monde s'est levé, ils ont envahi la scène, et alors là, elle était obligée de couper. Et ça, c'était génial, là. Vraiment. J'ai vécu très fort la contrainte à l'hétérosexualité, pour reprendre les mots de la théoricienne américaine Adrienne Rich. Les contraintes de l'assimilation à un modèle hétéronormé. Être une femme. Être désirable aux yeux du mâle. Réprimer ce désir si honteux pour le sexe faible que l'on m'avait bien inculqué à mépriser. Pourquoi c'était important de se positionner en tant que lesbienne et de militer depuis justement cette position-là de lesbienne? Oui. Bon, d'abord, je crois qu'à ce moment-là, tous les lesbiennes qui étaient là avaient déjà une conscience du fait qu'elles étaient quelque chose d'autre. Elles n'étaient pas d'hommes homosexuels, elles n'étaient pas femmes hétéros du MLF. Donc, c'était le fait de passer aux actes. Et au MLF, elles étaient très nombreuses, mais elles devaient être invisibles, faire partie de la catégorie femme, sans expliquer qu'elles avaient des différences. À l'époque, j'avais lu, comme la plupart des gens de ma génération, Every Room of Our Own, le livre de Virginia Woolf, Une chambre seule. Je l'avais lu en espagnol à Cuba, mais pas dans un contexte politique, dans un contexte littéraire. Mais ici en France, je l'ai relu. Et cette fois, avant ces événements du MLF dont je te parle, et je l'ai relu en anglais, et j'ai fait la connexion. Les lesbiennes, nous n'avons pas une chambre à soi, personnelle, sociale, culturelle et politique. On est dans la rue, disons, on a rien. Et ça c'est un peu mon raisonnement pour l'autonomie. C'était cette chambre psychologique aussi réelle où on peut se réunir pour réfléchir, pour savoir qui on est, qu'est-ce qu'on peut faire. Et on a parlé de ça dans sa réunion, du fait qu'on devait avoir un endroit où on puisse avoir l'espace mental et physique. À un moment donné, au phare, on ne pouvait plus parler. Les mecs, ils ne nous écoutaient pas. Puis tous les misogynes du coin sont arrivés. Et alors on s'est dit, ah non, si c'est pour retrouver des misogynes, alors là, c'est pas pour nous. Nous, on s'en est libérés. Merci, on va faire les Gouines Rouges. Comme ça, on gardera la liaison entre le MLF et le phare. Et j'ai là une note qu'un groupe, le groupe d'Antoinette. Fouque. Oui. Et j'ai les notes que quand on est arrivé, elles ont débarqué avec 6 ou 7. Qui ont dit que c'était absolument contre cela et que ça ne pouvait pas se faire. Et je ne me souviens pas si le groupe auquel j'appartenais, le Petit Noyau, je pense qu'ils n'ont pas voulu se battre. D'accord, donc c'est le 8 juin que le groupe d'Antoinette Fouque empêche la création de ce groupe lesbien. Ouais. Je ne l'ai pas inventé. Un jour, on vendait le journal, le Torchon Brûle, à côté des halles qui n'étaient pas encore complètement démolies. Et un jeune homme qui passait par là, qui nous a croisés, a dit, tiens, les Gouines Rouges. Et je me suis dit que c'était très intéressant, parce que c'était pas gentil, mais c'était pas vraiment méchant non plus. Je me suis dit, oui, bon, pour eux, les lesbiennes sont des Gouines. Non. Et, mais les Gouines Rouges, moi, ça me plaisait assez, parce qu'il y avait un élément... combatif là-dedans. Je l'ai proposé au groupe et on s'est appelé les Gouines Rouges. Réunion du vendredi 11 juin, chez Monique Pitic, 18 femmes. Un tract signé les Gouines Rouges a été écrit après 17 heures. Quelques heures de discussion. Quand on a fait les Gouines Rouges, évidemment, au début, c'était difficile. Les lesbiennes avaient peur d'être rejetées par les hétéros. Si jamais elles disaient qu'elles sont lesbiennes et que ça va déconsidérer le mouvement et ceci et cela. Puis d'un autre côté, les hétéros, elles avaient peur des lesbiennes parce que les lesbiennes, ça soulève la question du désir. Hein? Et puis il y a beaucoup d'hétéros qui sont tombés amoureuses de lesbiennes. Hein? Évidemment, on était dans un mouvement non mixte. Donc le désir, il a pu s'exprimer librement. Hein? Donc vous voyez, c'était très complexe comme situation parce que il y avait à la fois une attirance et une peur. Vous voyez ? Et puis Wittig est revenu à un âge où j'ai pu comprendre. Ce désir, ce malaise dans ce corps, cette mascarade que je m'acharnais à performer, ce profond sentiment d'étrangeté au monde, c'était en fait une perspective sur celui-ci. Je voyais des choses que d'autres ne voyaient pas. J'avais une sorte de pouvoir. Je pouvais traquer les seuls lavets de soie, masculins, féminins, hétérosexuels. Je pouvais regarder la norme depuis la marge où elle m'avait placée. La honte s'est transformée en puissance, le stigmate en pouvoir. La mascarade, ce n'était pas moi. Je découvre, au fil des ans et au gré de rencontres, le génie d'écrivaine, théoricienne, activiste, peintre, lesbienne, dont j'ai été si longtemps privée et je veux savoir. Et tu vois déjà, on annonçait qu'on avait sa réunion. Et donc il y a marqué... On a fait un tract et une affiche pour le premier bal de lesbiennes de l'histoire en France. Le jeudi 24 juin, à 22h, c'était 1971, au Hall, pavillon 10, sous-sol. Et ça s'appelait « Folle fête des femmes ou bal des sorcières ». Venez enterrer follement 2001 d'isolement des femmes, apporter à boire ou venir démunis, déguisement apprécié. La fête est désorganisée par les femmes homosexuelles du MLF et du phare. Réunion tous les mardis à 20h au Beaux-Arts, tous les jours au local 13 rue des Canettes et en téléphone à Paris 325 14 47 de 16h à 20h. La fête n'a pas eu lieu parce qu'en arrivant, les organisatrices, dont moi, nous avons trouvé l'entrée du local au hall cadenassée. Et la personne qui était l'homme qui était en charge était introuvable. Pourquoi n'ai-je pas eu accès à cette histoire plus tôt ? Pourquoi n'est-ce pas dit ? On est si nombreuses à être et avoir été sur le front des luttes ou force de propositions artistiques radicales qui bousculent les conventions, fait exploser les carcans, fabrique des ailleurs désirables. si nombreuses à créer, à déconstruire dans notre chair déjà les normes et les canons. Mais si nombreuses à avoir été invisibilisées ou réduites au silence quand la pensée secouait trop le statu quo. Car j'avais raison pour le séisme. La pensée politique lesbienne émergente dans le mouvement de libération des femmes en provoque un. Notre grande intervention, ça a été à la Mutualité en 1972, quand les Gounouches sont intervenues le samedi soir. On avait été prévu le dernier groupe. Hein. Donc on devait tenir la scène pendant une heure. Et alors, on avait rédigé un tract, c'est déjà pas mal. Hein. Et quand on arrive, quand c'était notre tour de passer, on dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On savait pas du tout ce qu'on allait faire. Hein. Moi, j'avais apporté ma guitare, j'avais préparé les paroles des chansons. Et puis, on s'est dit, bon, allez, allons-y, bah, on va faire un happening. Et alors, on est monté sur la scène. Et puis, je ne sais plus qui, si c'est Catherine ou Cathy Burnham qui a dit, on demande aux lesbiennes de monter sur la scène. Couplet des filles. On avait un slogan, c'est « on n'a pas de problème avec les hétérosexuels, c'est eux qui en ont avec nous ». Alors là, ça fait un choc, parce que c'est la première fois vraiment qu'on se montrait, qu'on montait sur la scène. Je veux dire, symboliquement, c'est très important comme acte d'émancipation, si je puis dire. Hein. Alors, les filles, elles sont montées sur la scène. Alors, la scène était archi-comble. Hein. Et on s'est dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors, j'ai lu le tract au micro. Hein. Femmes qui refusons les rôles d'épouse et de mère, l'heure est venue où, du fond du silence, il nous faut parler. Voilà, du fond du silence. Moi, c'était là-dedans que je me trouvais. Hein. Nous sommes une sorte de contradiction interne dans la société. Comme les autres, nous naissons de la famille hétérosexuelle bourgeoise. C'est vraiment une prise de parole individuelle et collective. Ça, c'est très important, hein, la prise de parole. Avec son système d'éducation, les femmes élevées en vue de la procréation et les hommes pour être des mâles inséminateurs phallocrates. Nous, évidemment, c'est différent. L'homme et la femme ne sont pas égaux dans le couple, c'est connu. La femme n'est pas égale économiquement. Elle est faite surtout pour langer les marmots, pour repriser les chaussettes de son mari. Résultat, deux hommes et deux femmes, au contraire, ça peut être l'égalité. À condition, bien sûr, qu'ils ne se mettent pas à singer le couple hétéro. Le couple hétéroflic, dans notre vocabulaire. C'est-à-dire le couple où il y aura un gars qui dirigera et l'autre qui fera les travaux ordinairement réservés à la femme. De même pour les femmes, il y aura possibilité d'égalité, d'une entente physique qui repose sur une connaissance des désirs de la femme bien supérieure à pas mal de mecs. Mais là aussi, il faut que la fille se méfie de ne pas mimer le couple hétéro, qu'il n'y ait pas un Jules et une femelle accroupie, etc. Et après, on s'est dit, bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah écoutez, j'ai ma guitare, on va chanter. On a commencé à chanter l'ordre bourgeois et l'ordre patriarcal. Et alors, une ambiance extraordinaire. Et puis, quand on a dit qu'on allait créer un groupe, et c'était avant qui s'appelle Gwyn Rouge, un groupe de lesbiennes, ça a été les réactions vraiment furieuses des hétéros. C'était absolument incroyable. Eh bien, dans notre grand groupe, donc celui qui comptait 200 femmes et qui se réunissait toutes les semaines ou tous les 15 jours. Mais que comment, pourquoi, est-ce qu'elle, elle ne pouvait pas venir dans ce groupe? Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que ça voulait dire? Et puis est-ce qu'il faudrait montrer sa carte? Et puis des choses comme ça. Et je me disais, mais ça c'est quand même ahurissant parce que, il y a encore 2 mois, il s'est créé un groupe qui s'appelle le groupe des femmes mariées, mais personne à lever un sourcil, on s'en fichait, enfin, elles étaient bien libres de faire ce qu'elles voulaient, mais là, ça a cogné sur un truc délicat, donc, pour elles, pour les hétéros, et bon nombre d'entre elles sont venues se plaindre, comment est-ce qu'on pouvait savoir qu'elles n'étaient pas lesbiennes, comment est-ce qu'on... Pourquoi, elles avaient elles se sentaient rejetées, bon. Est-ce que les hétéros, les femmes hétéros, voulaient se penser comme hétéros à ce moment-là? Je crois qu'elles ne voulaient pas se penser comme hétéros. Ça, je crois même que je l'ai écrit quelque part. Enfin, je l'ai écrit aussi dans Classé dominé, à propos des groupes dominants en général. Parce que ça les nommait. Ça les nommait, donc voilà, elles n'étaient plus des espèces d'êtres universels. Elles étaient hétéros. Et ça, elles ont mis, elles et ils ont mis beaucoup de temps à admettre qu'ils étaient hétéros. Au grand jour, nous apparaissons, et vive la révolution. Au grand jour, nous apparaissons, et vive la révolution. Couplet des filles. Monique, elle voulait faire un front lesbien à Paris. Hein. Donc on a fait quelques réunions, et ça n'a pas du tout marché. Et Monique était vraiment très, très, très minoritaire, hein, hyper minoritaire dans son projet de faire un front lesbien. Oh mon Dieu, quand je vois la violence des réactions. Ah oui, elle a subi quand même beaucoup de violence. Et avec son petit air, tu sais, parce que Monique, c'était quelqu'un de très doux. C'est une petite femme, hein, elle a ma taille, hein. Et elle parlait toujours avec une petite voix très douce, très agréable, très pas du tout excitée comme d'autres, que je pourrais donner un exemple. Et elle savait ce qu'elle voulait, et les autres, elle le sentait bien. Et ça a déclenché vraiment un rejet, mais incroyable. Et je pense que ça a joué dans la décision de partir aux États-Unis, parce qu'elle est partie l'année suivante. Hein. L'hétérosexualité comme une norme de pouvoir est impensable et impensée. Ilana Eloi, politiste et historienne. Dans les années 70, on politise le patriarcat comme une norme de pouvoir. Et en fait, l'histoire que moi j'ai essayé de retracer, c'est l'intelligibilisation, la problématisation progressive tout au long des années 70 de l'hétérosexualité comme un régime de pouvoir. Comment progressivement les lesbiennes, et en l'occurrence Monique Wittig, a fini par théoriser l'hétérosexualité comme un régime de pouvoir. J'avais appris avec le féminisme matérialiste, Christine Delphi, Colette Guillaumin, que la classe des hommes opprimait la classe des femmes. Wittig va plus loin. Elle dit que c'est la pensée straight, la pensée hétérosexuelle, qui fabrique les catégories hommes et femmes. L'hétérosexualité est un système social, politique, économique et culturel. Normal, naturalisé, jamais contesté. Disons que l'ennemi principal qui opprimait les femmes, c'était le patriarcat et donc les hommes. Voilà. Donc en fait, Monique Wittig, en disant les lesbiennes ne sont pas des femmes et en politisant l'hétérosexualité comme un régime politique, elle complexifie la domination et elle complexifie la composition interne du groupe des femmes. En disant on n'est pas toutes les mêmes, il y en a certaines qui subissent d'autres formes d'oppression en tant que lesbiennes en l'occurrence. Je comprends que nos existences mêmes, nous, lesbiennes, sont un bug dans le système. Je ne peux que souligner ici le caractère oppressif que revêt la pensée straight dans sa tendance à immédiatement universaliser sa production de concepts, à former des lois générales qui valent pour toutes les sociétés, toutes les époques, tous les individus. C'est ainsi qu'on parle de l'échange des femmes, la différence des sexes, l'ordre symbolique, l'inconscient, le désir, la jouissance, la culture, l'histoire. Catégories qui n'ont de sens actuellement que dans l'hétérosexualité ou pensée de la différence des sexes comme dogme philosophique et politique. La société hétérosexuelle n'est pas la société qui opprime seulement les lesbiennes et les hommes homosexuels. Elle opprime beaucoup d'autres différents. Elle opprime toutes les femmes et de nombreuses catégories d'hommes, tous ceux qui sont dans la situation de dominer. Car constituer une différence et la contrôler est un acte de pouvoir puisque c'est un acte essentiellement normatif. Chacun s'essaie à présenter autrui comme différent. Mais tout le monde n'y parvient pas. Il faut être socialement dominant pour y réussir. Qu'est-ce que la femme ? Branle-bas général de la défense active. Franchement, c'est un problème que les lesbiennes n'ont pas. Simple changement de perspective. Et il serait impropre de dire que les lesbiennes vivent, s'associent, font l'amour avec des femmes, car la femme n'a de sens que dans le système de pensée et les systèmes économiques hétérosexuels. Les lesbiennes ne sont pas des femmes. On parle toujours de la phrase qui conclut, mais on ne parle pas de tout le raisonnement qui est autour. Suzette Robichon, éditrice, militante, passeuse. Parce que c'était évident que c'est une phrase et c'est un texte qui a parlé à beaucoup de lesbiennes parce que ça correspondait à un sentiment qu'on avait, enfin une émotion même qu'on pouvait avoir, des sentiments, une analyse, que en tant que lesbienne, effectivement, on allait manifester sur l'avortement et sur d'autres, évidemment, et contre la plupart des manifestations sur l'avortement, les centres de femmes battues, etc., il y avait des lesbiennes dedans. C'était évident qu'il y avait une solidarité qui ne se discutait pas. Et que les mots d'ordre, mon corps m'appartient et autres, nous parlaient. Mais en même temps, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose d'autre dont on aimerait parler, qui n'était pas parlé, et dont il fallait qu'on parle entre nous. Voilà. Donc en disant les lesbiennes ne sont pas des femmes, c'était pour nous se retirer un petit peu de la classe des femmes avec l'oppression patriarcale, et avoir un espace d'air qui se crée. Et je pense que pour beaucoup, ça a été comme un soulagement... sans forcément adhérer complètement ou sans forcément voir toute l'analyse politique derrière. Tant qu'elles s'identifient en tant que femmes, ça posait aucun problème. C'est à partir du moment où elles ont voulu s'identifier en tant que lesbiennes que les problèmes sont arrivés. Et donc là, je dirais, en fait, c'est invisibilisation. Parce qu'en fait, la catégorie femme, ça a la fonction, dans les années 70, dans le MLF, d'un placard pour les lesbiennes. Ce que Monique Wittig appelle d'ailleurs, elle dit, les homosexuels sont dans le placard du féminisme. Donc quand elle dit les lesbiennes ne sont pas des femmes, les lesbiennes sortent du placard. Non seulement il n'y a pas de groupe naturel femme, nous lesbiennes en sommes une preuve vivante, physique, mais en tant qu'individu aussi nous remettons en question la femme, laquelle n'est pour nous qu'un mythe, de même que pour Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. C'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat, qu'on qualifie de féminin. Avoir une conscience lesbienne, c'est ne jamais oublier à quel point être la femme était pour nous contre nature, contraignant, totalement opprimant et destructeur dans le bon vieux temps d'avant le mouvement de libération des femmes. On ne naît pas femme, point, donc on ne le devient pas. Elle se positionne déjà dans un au-delà de Beauvoir. Qui est ce « on » Les lesbiennes. Pourquoi? Parce qu'être femme est une construction politique, pour Monique Wittig, qui s'inscrit dans un rapport de pouvoir intrinsèquement lié au régime hétérosexuel. C'est l'hétérosexualité qui produit la différence sexuelle. Car en effet, ce qui fait une femme, c'est une relation sociale particulière à un homme. Relation que nous avons autrement appelée de « servage ». Relation qui implique des obligations personnelles et physiques aussi bien que des obligations économiques. Assignation à résidence, corvée domestique, devoir conjugal, production d'enfants illimité. Relation à laquelle les lesbiennes échappent en refusant de devenir ou de rester hétérosexuelles. Notre survie exige de contribuer de toutes nos forces à la destruction de la classe, les femmes, dans laquelle les hommes s'approprient les femmes, et cela ne peut s'accomplir que par la destruction de l'hétérosexualité, comme système social basé sur l'oppression et l'appropriation des femmes par les hommes, et qui produit le corps de doctrine sur la différence entre les sexes pour justifier cette oppression. Donc voilà, donc en fait Monique Wittig, elle publie ces deux textes, La pensée straight d'abord et On ne naît pas femme, en février et en mai 1980, dans la revue Question féministe. Et donc effectivement, au même moment émerge un mouvement de lesbiennes radicales, justement, à Paris, qui ont un discours très virulent et très politique, justement, sur l'hétérosexualité comme régime de pouvoir. Donc tout ça se passe à peu près en même temps, et donc ça crée un conflit au sein du comité de rédaction de Question féministe. Question féministe. Qu'est-ce qui s'est passé? Question féministe, première revue, 78, matérialiste, francophone. Avec un panel de lesbiennes qui ne vont pas s'affirmer lesbiennes à cette époque-là. Michèle Laroui, des Archives lesbiennes de Paris, ancienne des lesbiennes de Jussieu, groupe de lesbiennes radicales. Au numéro 7-8, elle commence à visibiliser une pensée et elle la construise politiquement. J'ai pas tout le discours, donc tu me reprends, Ilana, hein, parce que c'est une période clivante, parce que c'est cette fin des années 70, donc 78, qui va se prolonger jusqu'à 80 avec et un procès et vraiment des femmes qui vont très très mal et qui vont plonger quand même. Mais c'est une période politique où il y a reconstitution de cette gauche réformiste, PCPS, On n'est pas encore avec Mitterrand, mais on va l'être. On est encore sous Giscard. Il y a une extrême gauche qui va, elle aussi, arrêter au niveau de sa pensée révolutionnaire. Et on a tout ça mis bout à bout avec des matérialistes qui, là, vont pousser le bouchon hyper loin. C'est-à-dire sur la violence, sur l'hétérosocialité. C'est là une des, à ce moment-là qu'on dit hétérosocialité. C'est pas avant. Hein. Avant, on disait hétéro, mais on allait aussi bien parler de, chez les BD et les Gouines de plutôt 72-75, on parlait de la religion, on dénonçait les patrons, la religion, la famille, et puis les hétéros. Mais il n'y avait pas de terme de concept et d'analyse collective. Et là, ça pète. Donc on a un groupe qui soutient Monique Wittig, qui est composé de Colette Guillaumin, Nicole Claude Mathieu, Monique Plaza, Noël Bisseret. Et de l'autre côté, on a Christine Delphi, Emmanuel de Lesseps, qui vont être soutenus par Simone de Beauvoir. En fait, à ce moment-là, ce qui se jouait, c'était aussi ça. C'était quelle va être la pensée légitime au sein du champ féministe français. Et elles ont gagné, puisque la revue disparaît et elle recrée une nouvelle revue qui s'appelle Nouvelles questions féministes et donc qui n'a plus ces lesbiennes qui pensaient politiquement le lesbianisme. Comme autre incident, dont je me rappelle du début de ce groupe, il y a eu une petite monteuse très gentille qui montait. Il y a eu des. Suzanne Fenn, non Anne, elle s'appelait. Anne Rodier, oui. Et elle, un jour, elle arrive très. Elle me prend à part, très choquée, elle me dit. Tu sais, il paraît qu'à la dernière réunion ou que la prochaine réunion, alors ça je ne me rappelle plus, on a parlé de lesbianisme et alors elle était blême, ça ne me paraît pas un sujet politique, etc. Alors je lui ai dit, mais pourquoi, moi-même je suis lesbienne et je voulais savoir pourquoi tu trouves qu'à partir du moment où on est lesbienne, on n'a plus le droit de venir à une réunion politique. Alors je crois que c'était Josiane Antoinette qui a eu bizarrement abordé la question. Et je crois que j'ai été la seule à dire que j'étais lesbienne. Il y avait des femmes qui avaient plus d'aura que d'autres, évidemment, comme toujours. Hein. Et donc, on les écoutait. Hein. Et donc, évidemment, ça a constitué... Comme les féministes révolutionnaires, par exemple, eh ben, c'était Christine Delphi et Monique Wittig qui ont formé le groupe des féministes révolutionnaires. Hein. Donc, c'est intéressant. Je veux dire, les femmes... Évidemment, on ne va pas faire une histoire des couples. Hein, mais il faut bien savoir que c'est... Quand je parle de l'humus hein, je veux dire, et du désir, ben c'est bien ça. Hein. La politique, eh bien, elle est alimentée quand même par la vie affective. Hein, et il y avait une vie affective intense au mouvement. Je ne comprenais pas pourquoi les autres ne disaient pas qu'elle était lesbienne. Ça m'a beaucoup frappé. Oui, Alors du coup, tu vois, les autres qui étaient blêmes 2 minutes avant, elles ont été obligées de tenir compte du fait qu'on pouvait être féministe et lesbienne tout de suite dès l'emblée, ce qui fait que c'est pas tout de suite que les problèmes entre lesbiennes et féministes ont éclaté. Parce qu'après tout, les premières qui avaient demandé la réunion féministe, c'était des lesbiennes. Alors, on ne peut pas leur reprocher de ne pas être féministe. Même si leur féminisme était quand même suspect, au fond, sans doute. Mon féminisme pouvait être suspect, puisque j'avais dit que j'étais lesbienne. C'est marrant. Et toi, Ilana, comment tu retraces du coup cette histoire des mouvements féministes du point de vue des lesbiennes radicales? Tu tombes sur quoi? Sur quel support là? Sur quel comment est-ce que tu arrives à raconter cette histoire ici depuis les archives lesbiennes? Alors c'est donc d'une part effectivement les archives des lesbiennes radicales, de collectifs lesbiens qui émergent un peu partout en France, pas qu'à Paris, et donc de voir comment progressivement elles politisent la question du lesbianisme. Ce qui m'intéressait aussi, c'était la manière, les discours féministes en fait. Donc du coup moi c'était à la fois travailler sur les discours des lesbiennes, mais à la fois aussi sur les discours des féministes pour voir comment cette exclusion, elle avait été produite discursivement. Juste pour revenir du coup sur la question un peu de ce récit de la libération des lesbiennes dans le MLF, en fait, ça pose une vraie question. C'est finalement, comment est-ce qu'on en est venu à avoir ce récit comme un récit officiel? Et je pense pas que ce soit juste faux ou une erreur. Je pense qu'en fait, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les féministes, elles ont redéfini le lesbianisme d'une certaine manière. Et c'est selon cette définition-là qu'on parle de libération de l'homosexualité. Donc, c'est-à-dire qu'elles disaient, en fait, on est toutes des sœurs et on s'aime toutes. On est toutes des femmes. Insupportable. Parce que tu sais plus comment tu t'appelles après. Quand toi, tu te reconnais pas dans l'autre en face, qu'il n'y a pas de miroir, tu fais quoi? Tu vois? C'était vraiment, ça a été très violent pour moi, ça. Surtout quand j'ai découvert que pas du tout, c'était vraiment pas ça, la sororité, vraiment, elles en avaient rien à cirer, pour certaines. C'est ça, enfin, en fait, l'idée consistait à dire que toutes les femmes étaient plus ou moins homosexuelles, finalement. Et donc, il y avait une forme d'universalisation de l'homosexualité qui est considérée, en fait, justement, aujourd'hui, dans les récits historiographiques, et à l'époque aussi, comme une manière de libérer l'homosexualité. Sauf que, si on dit que toutes les femmes sont homosexuelles, finalement, qu'elles pratiquent ou pas le lesbianisme, qu'elles subissent ou pas la lesbophobie aussi, parce que c'est ça, la question, eh bien, on perd encore une fois de vue la question vraiment politique du lesbianisme, qu'est-ce que c'est que d'être lesbienne, de se construire en tant que lesbienne, et encore une fois, on perd de vue la question du rapport de pouvoir entre hétérosexualité et lesbianisme. Et c'est bien ça, en fait, je pense, le fond du problème. Comment on définit l'homosexualité ou le lesbianisme? C'est-à-dire qu'à partir du moment où, en France, on a construit un MLF sans analyser le fait qu'il y avait des courants différents, donc des postures politiques différentes et des vécus différents, donc croisés comme d'habitude, où on nommait la sororité en oubliant les classes sociales et pourtant, en oubliant le racisme, alors que la coordination des femmes noires, et on a pu le voir vers 76-78, elle a été, totalement oubliée historiquement. Donc, moi, je peux pas dire que ça, je me suis retrouvée là-dedans. C'est-à-dire que j'ai plutôt souffert. C'est-à-dire que moi, j'avais un côté un peu romantique en me disant, j'ai enfin trouvé quelque chose. Moi, j'ai participé au premier coming out collectif dans les rencontres féministes des lesbiennes. Entre autres, les lesbiennes de Paris. Avec Suzette, avec Nelly Martin, etc. Moi, j'étais encore toute petite et j'étais loin de me définir Gwyn. Enfin, toute petite, politiquement. C'était autour de 76. Et donc, je découvre, je prends. Moi, je suis pas une intello, donc c'est plutôt autour de la pratique. Je vois qu'elles font scission, que ça crée des tensions absolument énormes dans le mouvement féministe. Et je me dis, quand même, elles sont gonflées, les féministes, elles sont mignonnes, parce que tout ça, cette visibilité lesbienne, elle doit se vivre, quoi. Par contre, d'où parlent ces lesbiennes radicales? Elles vont souvent parler parce qu'elles sont issues de groupes politiques marxistes ou marxistes-léninistes. Trotskistes peut-être aussi, mais elles sont très politisées. Et dans les mouvances classiques politiques extrêmes, et je dis pas ça négativement, de l'époque. C'est-à-dire qu'on va retrouver des comportements avant-gardistes, et là je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire on est lesbienne, on est politique, on va révolutionner le monde. Et je caricature pas trop autour de ça. Mais moi, ce qui m'a toujours dérangée dans les recherches qui ont pu être faites, je ne sais pas si ça bouge un peu maintenant, moi je crois, c'est de ne pas dire le MLF ou le mouvement des femmes, mais les, de parler de réseaux, de mouvements, de groupes. Et parce que là, on peut aller plus loin quand on cherche, pour moi. C'est-à-dire qu'on ouvre déjà des petites portes en disant les au lieu de le, en disant les lesbianismes. Moi, je me rappelle d'un moment, je disais, au-delà des sexualités, on peut avoir des relations amoureuses, on peut être une lesbienne sexuellement active ou pas à un moment donné, mais on peut être aussi lesbianiste, dans le sens où on a une posture et une lecture avec des lunettes de lesbienne, quoi. On était dans une espèce d'invisibilisation et de notre vécu et d'invisibilisation de notre expérience. Sabrine, cofondatrice des LOX, Lesbian of Color. Lesbian of Color, je veux dire, c'était aussi pour annoncer la couleur de ce groupe. On n'est pas que lesbienne quand on est of color, on est femme, lesbienne, racisée. Alors, ça n'exclut pas qu'on puisse mener des alliances, mais on va garantir notre autonomie organisationnelle, notre autonomie politique. Les objectifs peuvent être les mêmes, mais il faut qu'on soit à égalité de moyens, etc. On peut prendre des bases qui peuvent nous réunir, mais après, si en fonction de notre réalité, en fonction de notre parcours, on n'est pas satisfaite, on recrée, et c'est ce qu'a fait Monique Wittig, en l'occurrence, elle a recréé toute une pensée révolutionnaire. C'est important, être lesbienne et revendiquer lesbienne politique, c'est pas juste effectivement tomber amoureuse d'une ce qui est déjà génial, mais c'est aussi une approche de la vie. C'est une vision politique, c'est une vision économique. Être lesbienne politique, c'est vraiment lancer un défi au quotidien contre l'hétérosocialité. Et c'est extrêmement important pour moi. Après, effectivement, il peut y avoir des petites influences. Bon, perso, peut-être parce que moi, comme j'ai subi les mutilations sexuelles féminines à Djibouti, donc forcément, ils attendaient à ce que ma virginité soit garantie, à ce que ma sexualité soit maîtrisée, et à ce que je sois une super épouse, et dans le futur, bien évidemment, une mère avec des enfants. Paf ! Et le fait d'avoir pris conscience que je pouvais, au-delà de juste tomber amoureuse d'une femme, porter et bâtir toute une réflexion qui va m'aider effectivement au quotidien avec d'autres, c'est extrêmement vital. C'est extrêmement vital. Quelle femme ici est si amoureuse de sa propre oppression au point qu'elle n'est plus capable de voir l'empreinte de son propre talon sur le visage d'une autre femme? Quelle femme ici utilise sa propre oppression comme ticket d'entrée au rang des justes, loin des vents glaciales de l'examen de conscience? Je suis une lesbienne de couleur dont les enfants mangent régulièrement à leur faim, parce que je travaille à l'université. Si leurs ventres pleins me font oublier mes points communs avec une femme de couleur dont les enfants n'ont rien à manger, parce qu'elle ne peut pas trouver de travail, ou qui n'a pas d'enfants parce que les avortements clandestins et la stérilisation ont bousillé ses organes génitaux, si j'oublie la lesbienne qui choisit de ne pas avoir d'enfants, la femme qui reste dans le placard parce que sa communauté homophobe est son seul point d'ancrage, la femme qui choisit le silence plutôt qu'une autre forme de mort. La femme qui est terrifiée que ma colère ne déclenche la sienne. Si je manque de reconnaître toutes ces femmes comme d'autres facettes de moi-même, non seulement je participe à l'oppression de chacune d'entre elles, mais je participe aussi à la mienne. Je ne suis pas libre tant qu'une femme reste prisonnière, même si ses chaînes sont très différentes des miennes. Et aussi longtemps qu'une personne de couleur restera enchaînée, je ne serai pas libre. Ni aucune d'entre vous. Les jeunes femmes habillées de noir et porteuses de masques entrent en scène en dansant et chantant. Elles sont armées de gourdins. Elles font en avançant des moulinets. D'autres les suivent avec des fusils qu'elles déposent en faisceau sur le sol d'herbe. Certaines sont torse nues. Il se fait un grand mouvement tout autour du champ d'armes. Quelques-unes portent des lances-fusées. Par milliers, elles avancent. Toutes ont un couteau long attaché à la ceinture. Elles chantent, les armes déposées sur les collines en éventail, non moins brillantes que les lances des guerres puniques, ne sont pas en sommeil. C'était l'histoire manquante, sortir les lesbiennes du placard. On ne naît pas femme. Avec Ilana Eloi, Marie-Jo Bonnet, Christine Delphi, Cathy Bernem, Anna Simo, Suzette Robichon, Michel Laroui et Sabrine Delox. Texte, La pensée straight de Monique Wittig, Sister Outsider d'Audrey Lorde, Les guerrières de Monique Wittig, lue par Rebecca Chaillon. Un grand merci à Nicole Fernandez-Ferrer et Anna Zangirian du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Prise de son,